9. La première neige. À ma petite amie Georgette Charpentier. Le Luxembourg, par un temps d'hiver, sur les toits du palais, un tuyau de cheminée fume et des moineaux, abrités autour, causent en regardant la neige. C'est le matin, l'horloge marque 10h-15. Un moineau. La jolie chose que la neige. Notre jardin a l'air en sucre. C'est à crever de rire, réellement. Le lanceur de disques porte avec gravité un grand peloton blanc sur son poing. Les reines de France ont des bonnets de coton, et grâce aux flocons que le vent colle à leur écorce, les arbres, blancs d'un côté, noirs de l'autre, ressemblent à des pages de mascarade. Regardez là-bas la pièce d'eau, sa bordure en pierre grise étincelle, toute blanche ce matin. C'est ça qui doit faire plaisir aux cygnes. Un autre moineau. Une vraie eau-forte. Premier moineau. Il y a pourtant des oiseaux qui ne veulent pas reconnaître la pénétrante poésie d'un paysage d'hiver, les martinets par exemple, les hirondelles, les canards. Second moineau, dédaigneusement. Ces gens-là ne sont pas des artistes. Premier moineau, y a-t-il au monde rien de plus gai qu'une large pelouse de neige vierge? Second moineau, on y fait en se promenant 1000 petits dessins avec les pattes. Premier moineau, tout à l'heure, derrière l'orangerie, un gardien montrait la pointe de son tricorne. Mais il est bien vite rentré chez lui, en voyant la couleur du temps. Pas de gardien, le jardin est à nous. La foule des moineaux. La jolie chose que la neige! Second moineau. En tombe-t-il quelquefois hors de Paris? Premier moineau. On le dit. Mais silence, voici quelqu'un. Les moineaux en chuchotant. C'est une jeune personne. Premier moineau. Quelques pauvres ouvrières en retard. La voilà trottant sur la pointe des pieds, à travers la neige, où chacun de ses pas fait un petit trou noir. Deuxième moineau. Les belles bottines! Les moineaux en chœur. Comme ça reluit! Premier moineau. Par-dessous le jupon rouge qu'elle relève des deux mains, la jupe empesée traîne sur la neige, bravement, comme une vraie queue de friquet. Cette femme ressemble à un oiseau. Elle me rappelle ma Pierrette. Un moineau détourne Saint-Sulpice. Les moineaux éclatant de rire. Ah ah, la jolie chose que la neige! La jeune personne disparaît. On entend dans l'air des cuicuis plaintifs. Tout le monde relève la tête. Arrive un moineau de campagne ébouriffé, aveuglé, morfondu. Le moineau de campagne se posant sur le toit. Bonsoir, messieurs et la compagnie. Les moineaux. Quelle tournure! Bon Dieu! Ce doit être quelqu'un de province. Le moineau de campagne, timidement. « J'arrive de verrières le pont. J'ai froid. » Premier moineau. « Approchez, mon brave, on se serra pour vous faire place. » Le moineau de campagne hésite. « Mais approchez donc, sacrebleu. Les cheminées n'ont pas été inventées pour les gardiens. Mettez-vous comme nous, commodément, le bec en dehors, la queue dans le tuyau. Ça y est !» Le moineau de campagne. « Oh, il fait bon ici. » Il secoue ses ailes avec volupté. « Oh, mes amis, mes bons amis, quelle désolation dans la campagne! Un pied de neige partout. De loin en loin, quelques brins d'herbe montrent le nez, mais on ne dîne pas avec des brins d'herbe. Les baies disparaissent sous la neige, les buissons ont l'air de meules blanches. Plus de murs, plus de baies, plus de prunelles, plus rien. Les oiseaux meurent comme des mouches. » Les moineaux, attendris. « Pauvres gens !» Le moineau de campagne. « Depuis hier, je n'ai rien mis sous le bec, rien qu'une graine de chènevis que j'ai ramassée près d'une source. Il faut dire que la neige fond toujours un peu près des sources. À propos, déjeune-t-on ici ?» Les moineaux. « On déjeune ?» Le moineau de campagne. « Et vous m'invitez ?» Les moineaux. « Nous t'invitons !» Le moineau de campagne. « C'est le mauvais temps qui m'a poussé chez vous. En chemin, je me suis abrité une minute sous l'auvent d'un colombier. Quelle tentation d'entrer pour voler le grain des pigeons! J'avais faim, mais j'ai résisté. » Les moineaux détournent Saint-Sulpice. « Vous avez bien fait, mon enfant. » Le moineau de campagne. « N'est-ce pas? Quelquefois, vous comprenez, quand on est dedans, vlan, la fenêtre se referme et vous voilà pris. J'ai perdu un oncle comme ça. Des hommes le firent cuire. Mais c'est égal, je mangerai bien un morceau tout de même. » Premier moineau. « Un peu de patience. » Deuxième moineau. « Nous allons passer à table dans un instant. » Les moineaux en chœur. « Dans un instant! Dans un instant !» Premier moineau. « Ce n'est pas ici comme à la campagne. La neige ne nous fait pas peur. Elle a beau tomber, elle a beau cacher les baies des buissons et les petites graines qu'on trouve dans l'herbe, nous n'en déjeunons pas plus mal pour cela. Il y a un vieux monsieur qui nous aime. Il va tous les matins acheter des pains mollets, là-bas, près du théâtre, à la boutique du coin, puis il nous les émiette. C'est exquis. Les moineaux. On se flanque des coups de bec, on attrape les miettes au vol. C'est exquis. Le moineau de campagne, ravi. Votre monsieur me fait l'effet d'un brave homme. Les moineaux, en cœur. D'un bien brave homme. Les moineaux de la tour Saint-Sulpice. Et puis, c'est un homme vertueux. Il ne fume pas, et son pain n'a pas cet affreux goût de pipe. Les moineaux, en cœur. C'est un homme vertueux, un homme très vertueux. Le moineau de campagne. Viendra-t-il au moins, le monsieur? Premier moineau. Il n'y manquerait pas pour un empire. Regardez au bout du jardin cette grande grille noire, ornée de fer de lance en or. Derrière la grille, il y a la rue, et par-delà la rue, une maison avec de belles portes en cuivre. Cette maison est un café. Notre vieux monsieur y va lire les journaux chaque matin, et tout à l'heure, quand 10 heures sonneront, vous le verrez paraître sur la porte. Les moineaux. Cui, cui, cui, que va-t-il nous apporter aujourd'hui? Du pain mollet ou bien du seigle? Moment de silence. L'horloge enrhumée par la neige. Dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong. Les moineaux battant des ailes. 10 heures, le voilà! Cui, cui, cui, le voilà! Un vieux monsieur à cheveux gris, en redingote râpée, paraît sur la porte du café. Les moineaux le saluent bruyamment. Le vieux monsieur fait un pas dans la rue, puis il regarde le temps et rentre. Le moineau de campagne. Tiens, il ne vient pas? Qu'est-ce que vous me contiez donc? Premier moineau. Il ne vient pas? C'est incompréhensible! Les moineaux cruellement déçus. C'est incompréhensible! Deuxième moineau. Je me rappelle maintenant. Hier au soir, en piquant une miette de pain à côté de son soulier, j'ai remarqué que la semelle en était décousue. Le pauvre homme ne peut pas venir. Il lui faudrait marcher dans la neige. Le moineau de campagne. Sa perlotte et notre déjeuner. Premier moineau. Nous ne déjeunerons pas aujourd'hui. Les moineaux, tristement. Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Le moineau détour Saint-Sulpice. Sachons nous résigner au décret de la Providence. Le moineau de campagne. Ah, mais non, curé, j'ai bon appétit, moi. Écoutez, le gros du vent cesse un peu, la neige ne tombe plus guère. Je suis d'avis d'aller faire un tour du côté des fortifications, à la barrière d'Italie. Quand nous y arriverons, la route sera battue. Il passe par là beaucoup de chevaux. Les chevaux, c'est bon à fréquenter. Dans ceux qu'ils laissent, on picore, on glane. Les moineaux. Dans ceux qu'ils laissent, fait l'horreur. Le moineau. Dame, ce sera comme à la campagne. Il s'envole. Après avoir un moment hésité, les autres moineaux le suivent.